50 languages. 70. 60. 60. في المصرف. À la banque. À la banque. أريد أن أفتح حسابا. Je voudrais ouvrir un compte. Je voudrais ouvrir un compte. إليك جواز سفري. Voici mon passeport. Voici mon passeport. وهذا هو عنواني. Et voici mon adresse. Et voici mon adresse. أريد أن أودع نقودا في حسابي. Je voudrais déposer de l'argent sur mon compte. Je voudrais déposer de l'argent sur mon compte. أريد أن أسحب نقودا من حسابي. Je voudrais retirer de l'argent de mon compte. Je voudrais retirer de l'argent de mon compte. أريد أن أستلم بياناتي المصرفية. Je voudrais recevoir mon relevé de compte. Je voudrais recevoir mon relevé de compte. أريد أن أصرف شيكاً سياحياً. Je voudrais toucher un chèque voyage. Je voudrais toucher un chèque voyage. كم هي الرسوم؟ À combien s'élève la commission ? À combien s'élève la commission ? أين أوقع ? Où dois-je signer ? Où dois-je signer ? إنني أنتظر حوالة من ألمانيا. J'attends un virement d'Allemagne. J'attends un virement d'Allemagne. هذا هو رقم حسابي. Voici mon numéro de compte. Voici mon numéro de compte. هل وصلت النقود؟ Est-ce que l'argent est disponible? Est-ce que l'argent est disponible? أريد أن أبدل هذه النقود. Je voudrais changer cette somme. Je voudrais changer cette somme. إنني بحاجة إلى دولار أمريكي. J'ai besoin de dollars américains. J'ai besoin de dollars américains. من فضلك أعطني أوراق نقدية صغيرة. Donnez-moi des petites coupures, s'il vous plaît. Donnez-moi des petites coupures, s'il vous plaît. أين هو أقرب صراف آليك؟ Y a-t-il un distributeur automatique de billets? Y a-t-il un distributeur automatique de billets? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Quel montant est-il possible de retirer? Quel montant est-il possible de retirer? ما هي البطاقات الائتمانية التي يمكن استعمالها؟ Quelles sont les cartes de crédit qu'on peut utiliser? Quelles sont les cartes de crédit qu'on peut utiliser?